Il est temps de retrouver l'indispensable chronique de François Morel. Bonjour François Morel. Bonjour Ali. À quoi tu penses ? À rien, non, à rien. Je pensais juste, François Hollande, c'est un visionnaire. Le changement, c'est maintenant. Il l'a dit juste un peu en avance. Le changement, c'est vraiment maintenant. Ne plus avoir le droit d'aller dîner chez des copains, d'aller au restaurant, au théâtre. Se demander même si à l'automne, on pourra y retourner. Ça, c'est un vrai changement dans nos têtes, dans nos habitudes. Plus une seule salle de spectacle ouverte, tu te rends compte ? Jusque-là, tous ces gens qui toussaient, ils allaient au théâtre. Si les théâtres sont fermés, où vont-ils aller tousser ? Et puis je pensais, c'est curieux, tous ces théâtres fermés, alors que depuis la tragédie grecque, c'est-à-dire plusieurs semaines encore avant l'arrivée de Roselyne Bachelot sur Terre, c'est là que les masques étaient en plus grand nombre. À quoi tu penses ? À rien. Je pensais qu'on disait que sous l'occupation allemande, les théâtres n'avaient jamais été aussi pleins. Sous l'occupation virale, les théâtres n'auront jamais été aussi vides. Je me disais aussi que dans les périodes tragiques, le théâtre, c'est le moment où il devrait être le plus utile, le plus indispensable que jamais, ou mieux qu'au théâtre, partager nos incertitudes, crier nos colères, consoler nos douleurs, pleurer nos morts. Je me disais que lorsque le confinement sera fini, il faudrait quand même retrouver des occasions de se réunir. Je pensais aussi à quoi ça sert un comédien quand il n'est pas sur scène, à apprendre des textes qu'il ne dira jamais, à répéter des scènes qui ne seront jamais jouées. À quoi tu penses ? À rien ? Non, je pensais juste, c'est marrant les gens. Chris Esquer, par exemple, qui de tous les humoristes de France Inter est peut-être celui qui est le moins dépendant de l'actualité. Ce n'est pas celui qui est le moins touché. Il m'écrit dans un mail, c'est bizarre, je m'attendais à perdre l'odorat ou le goût, et je suis en train de perdre le goût des chroniques, mais c'est transitoire, paraît-il. J'ai bon espoir qu'on puisse revenir en studio pour quelques derniers en juin. Si j'osais, je profiterais bien de parler dans le poste pour dire à Chris que je souhaite vraiment que ce soit transitoire, parce que la perspective de le réentendre fait partie des petits bonheurs de la vie auxquels on tient. À quoi tu penses ? Je pensais aux mots bleus, aux mots qu'on dit avec les yeux, avec la voix aussi. Je pensais à tous ceux qui sont seuls, confinés, qui pourtant font des cœurs, chacun chez soi, mousquetaires du confinement. Je pensais à cette chanson si belle, si simple, que chantaient Bourvil et Marie Laforêt, écrite par Hubert Giraud et Noël Roux, et qu'on peut redécouvrir sur la toile, très joliment réinterprétée par Valentin Vander, Marjolaine Piémont, Aurélien Merle, Gauvin Serre, Sophie Lecam et tous les autres. À quoi tu penses ? À rien ? À toi ? À nous ? Je t'aime. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non, non, non. Merci beaucoup François Morel. On se retrouve vendredi prochain.